Chapitre 5e. Les Gabonais sont fétichistes et par Gabonais j'entends toutes les tribus qui habitent la même région. Il ne faudrait pourtant pas prendre le mot fétichiste trop à la lettre et avec la signification absolue que lui a donnée le président des Brosses. L'adoration pure et simple des objets inanimés, sans qu'il leur soit attribué aucune valeur symbolique, est beaucoup plus rare qu'on pourrait le supposer. Prise dans ce sens exclusif, la religion fétichiste n'est pas celle des Gabonais, car ils croient aux mauvais esprits et redoutent les âmes des morts. Ils n'ont assurément qu'une intuition très imparfaite de ces êtres supérieurs. Ils leur attribuent une forme tangible, et il est douteux que l'idée abstraite de l'immatérialité ait jamais germé dans leur cerveau. Mais si vague que soit cette conception d'un monde surnaturel, elle n'en existe pas moins chez eux, et suffit pour les relever quelque peu dans l'échelle intellectuelle de l'humanité. À ce respect, ou plutôt à cette crainte que leur inspirent les âmes errantes des morts, à cette croyance en l'existence de génies puissants pour faire le mal, mais peu soucieux du bien, si l'on ajoute une confiance singulière dans la vertu d'une multitude de talismans, de fétiches, destinés à les préserver des maladies ou des accidents de la guerre, on aura toute leur théogonie. C'est dans les villages éloignés que ces croyances exercent sérieusement leur empire. Les populations riveraines ont perdu au contact des Européens une partie de leur confiance en leurs dieux, sans accepter encore en échange aucun dogme supérieur, de sorte qu'on peut les considérer aujourd'hui comme presque complètement dépourvues de religion. Elles sont tout au plus superstitieuses. Fétiche et féticheur sont deux mots qui reviennent à chaque instant à la bouche du Gabonais. Tout est fétiche pour lui. Munda, le mot qui exprime cette idée, semble, comme le tabou des Tahitiens, être le fond de sa langue. Le petit ornement en griffe de tigre que ces femmes portent au cou est Munda. Munda encore, l'herbe élégante et finement découpée, dont il a bien soin d'orner ses instruments de pêche avant de les jeter à l'eau. Munda aussi, le morceau de cervelle de léopard calciné, que le guerrier cache sous son pagne et qu'il caresse au moment du combat pour se donner du cœur. C'est là un grand fétiche. Mais il y en a un autre, plus puissant encore, c'est la cendre que produit la calcination des chairs ou des os d'un blanc. C'est un talisman infaillible à la guerre. Mais ce ne sont là que des allumettes, des gris-gris. Les vrais dieux sont des représentations plus ou moins grotesques de la forme humaine. Ces idoles ont souvent la prétention de reproduire les traits de l'Européen, son nez aquilin, ses lèvres minces, son visage coloré. Est-ce une simple fantaisie? Est-ce une sorte d'hommage rendu à la supériorité de l'homme blanc? Je ne sais. En tout cas, il n'y a pas lieu, je crois, d'admettre l'opinion d'un voyageur du siècle dernier, qui ayant fait la même remarque au Congo, et tenant compte du courant d'émigration qui attire vers la côte les peuples de l'intérieur, pensait que cette forme et cette couleur des idoles indiquaient peut-être l'existence d'une race blanche au centre du continent africain. On voit quelquefois ces fétiches dans l'intérieur des habitations, surtout dans celles des chefs, où ils jouent le rôle tutélaire des dieux lards du paganisme, mais ce n'est pas l'ordinaire. Dans tout village, une petite case leur est spécialement affectée, modeste temple où parfois l'adorateur ne saurait entrer qu'en rampant, mais qui dans les grands villages a des proportions plus en rapport avec l'importance des hôtes auxquels il est destiné. Les indiens ne laissent pas volontiers les Européens visiter la case fétiche. Dans un village de Logowai habité par des gens de la même race que les Gabonais, j'ai été admis à cet honneur par un brave chef tout heureux de recevoir pour la première fois la visite des Européens. Dans une case assez belle, trois fétiches, un dieu et deux déesses, le visage barbouillé de rouge et de blanc, le corps assez proprement vêtu de cotonnade européenne, reposait sur une espèce de lit ou d'autel. Autour d'eux étaient suspendus divers objets, des pagnes, des peaux de bêtes, point de chevelure scalpée, pas de dépouille d'ennemis, rien de répugnant enfin, des ex-voto sans doute, mais d'une nature tout à fait pacifique. La bonne et honnête figure de mon hôte s'épanouissait à la vue de ces dieux de bois peint. Étais-je bien dans un temple de sauvages ou auprès d'un grand enfant souriant à ses poupées? Je ne sais trop quelle cérémonie intime se célèbre dans l'intérieur de la case fétiche. Peu de choses sans doute, des prières, des invocations aux dieux pour obtenir sa protection contre les maladies ou contre un ennemi menaçant, et surtout pour qu'il veuille bien favoriser quelques grosses opérations commerciales. Quelquefois, les idoles sont promenées en grande pompe dans les villages en fête. Chacun se barbouille le corps des peintures les plus bizarres et suit la procession en psalmodiant ses vœux sur les tons les plus discordants. Quand un village fait un si grand fétiche, c'est le roi qui conduit la cérémonie, car il jouit de la double autorité politique et religieuse. Une longue sonnette fixée à un manche recourbé est l'emblème de sa dignité. Devant ce signe respecté, tout le monde s'incline, et il est peu d'esprits malfaisants qui résistent à sa puissance. Mais, indépendamment des rois, il y a des féticheurs en titre, dont beaucoup ont à peine un caractère religieux et sont avant tout devins et médecins. Ils ont la réputation de se mettre à leur gré en communication avec l'esprit. Quand ils sont appelés à décider sur quel point on litige, ils s'enferment dans la case fétiche ou se retirent dans un bois solitaire au pied d'un arbre munda, et après quelques heures de recueillement, émettent leur avis. Parfois, ils sont invités par les maris à intervenir dans leur querelle de ménage. Alors se passent des scènes nocturnes où la ventriloquie et autres subterfuges de même ordre paraissent jouer un rôle important. Je fus réveillé une nuit, dans un village de la rivière Amboé, par des cris aigus qui n'avaient rien d'humain. Puis une voix grave et profonde retentit au milieu du silence général. Son accent était sévère et menaçait comme un anathème. Voyant bien qu'il s'agissait de quelque cérémonie diabolique, et que les cris que j'avais entendus d'abord n'étaient qu'un appel à l'attention publique, je me levai pour en jouir à mon aise. Mais mon hôte, le roi du pays, m'arrêta. « Ce n'est rien, » me dit-il, « c'est un voisin qui fait fétiche pour sa femme. » Je n'étais pas beaucoup plus avancé, et j'allais sortir malgré ses instances, quand il m'assura que le visage des blancs chassait les esprits. On avait même voulu, me dit-il, attendre mon départ pour faire cette évocation, mais le féticheur qui n'était là qu'en passant était payé et pressé. Je me gardais donc de le déranger. Il continua pendant plus d'un quart d'heure ses admonestations que le roi m'expliquait à mesure. Elles durent faire trembler toutes les femmes du village, car il s'agissait d'une grave infidélité conjugale, et les voix divines ne désignaient personne. Enfin, des gémissements et des pleurs retentirent près de ma case. C'était la femme du voisin que châtiait d'importance une main rude et sacrée. La vengeance divine était satisfaite, les autres dames durent s'endormir en paix. Elles étaient rassurées, pour cette nuit-là du moins. Cette correction religieuse, qui a le double avantage d'atteindre la coupable en laissant planer sur toutes les autres une terreur salutaire, produit toujours un grand effet. Le vieux chef qui m'interprétait cette scène nocturne prétendait du reste que les féticheurs n'étaient bons qu'à entretenir dans l'esprit des femmes le respect qu'elles doivent à leur seigneur et maître. Où le scepticisme va-t-il se nicher? À côté du féticheur, n'oublions pas la féticheuse. Je n'ai vu qu'une seule de ces femmes, c'est dans la rivière Ogowai, où ne s'est pas encore fait sentir l'influence européenne destructive de toute coutume nationale. Nous venions d'arriver, monsieur le lieutenant de vaisseau Serbal et moi, dans le village d'Anvegaviri. Contre l'ordinaire, notre apparition au milieu des gens qui pourtant n'avaient jamais vu d'Européens ne produisit que peu d'effet. Une foule compacte réunie autour d'une case où sortait un abominable tapage de tam-tam et de voix criardes s'émut à peine à notre aspect. Il fallait qu'il se passât là quelque chose de bien important. Nous entrâmes dans la maison non sans difficulté et ce fut pour être témoin d'une scène à la fois hideuse et grotesque. Au milieu d'une vaste salle, une femme encore jeune, le corps presque nu, bariolé de dessins de toutes sortes, le visage peint au contraire avec une certaine régularité de quatre couleurs, comme un écusson écartelé, dansait au son d'un tam-tam avec une véritable frénésie. De temps à autre, un jeune nègre se détachait du cercle, se campait devant elle, surveillait avec une sorte d'anxiété ses contorsions lascives et s'efforçait de les imiter en suivant la cadence du tam-tam. Fatigué bientôt de ce rude exercice, il cédait la place à un autre, et l'infatigable mégère, surexcité par une musique assourdissante, lassait encore ce nouveau partenaire. Pour tous les spectateurs, c'était une femme inspirée. Elle voyait l'esprit. J'ai vu à Constantinople les derviches tourneurs et hurleurs, à Alger la secte infernale des Aïssaouas. Je verrai peut-être un jour des convulsionnaires, car l'espèce n'en est pas perdue chez nous. La féticheuse d'Avengaviri m'a paru être de la même famille. On devine facilement que pour des gens aussi accessibles aux idées superstitieuses, une maladie ne saurait être le dérangement naturel et prévu d'une machine plus compliquée qu'une autre et par conséquent plus fragile. Pour eux, c'est le résultat d'un empoisonnement, d'un ensorcellement, ou la vengeance d'un esprit offensé, et le féticheur en est le médecin naturel. Les plus renommés sont ceux qu'une existence plus ou moins ténébreuse, passée au milieu des bois, a entourée d'un certain prestige. À ce titre, ce sont les bouleaux qui ont la plus grande réputation d'habileté. Un Gabonais blessé s'adressa volontiers à un médecin européen, mais pour une maladie interne, le féticheur a toute sa confiance. C'est logique d'ailleurs. Une maladie étant une sorte de possession démoniaque, elle est justiciable avant tout des formules de l'exorcisme. L'intervention d'un féticheur en renom, d'un oganga, est toujours une affaire solennelle. Voici, d'après M. le docteur Ricard, médecin de la marine, comment les choses se passent quand il s'agit d'une affection chronique. Avant de rien entreprendre, le féticheur demande du temps pour reconnaître le genre de maladie. S'il est habile, il se hâte de traiter dès que la maladie diminue, sinon il temporise. Enfin, le jour est fixé. On construit sur la place la plus fréquentée une grande case au fond de laquelle on établit suivant le nombre des malades, ce sont le plus souvent des femmes, un ou plusieurs lits de bambou garnis de moustiquaires. Cette case devient le rendez-vous de toutes les femmes du village. Les oisives s'y arrêtent, on y parle, on y joue. La malade passe une partie de la journée à se faire peindre le corps avec des poudres de diverses couleurs et le décor est changé tous les jours. Matin et soir, elle sort entourée d'un cœur de femmes. Cette promenade, qui n'est d'abord qu'un tour de village, devient graduellement une course de plusieurs lieues. Le soir, elle danse au tam-tam. De temps en temps, le féticheur vient la regarder dans un miroir pour suivre l'effet de la médication, et il ne la fait cesser que lorsqu'il a remarqué une amélioration qui manque rarement. Souvent, le sujet retombe malade et le féticheur reconsulte les esprits. Il déclare quelquefois qu'il faut la mort de l'empoisonneur. D'autres fois, il prévoit tant de difficultés qu'il demande pour la guérison un prix exorbitant et inacceptable. Comme le fait remarquer M. Ricard, voilà une médication qui, par un système gradué d'exercice et par l'abondance des sueurs qu'elle provoque, peut en effet exercer une influence avantageuse sur certaines affections chroniques. Mais elle n'est pas applicable à toutes les maladies, et il est constant que dans plus d'un cas difficile, l'oganga réussit par l'application de remèdes dont il se garde bien d'ailleurs de nous dévoiler la nature. Je n'ai jamais été à même de suivre régulièrement un de ces docteurs noirs à l'œuvre, mais si j'ai plus d'une fois constaté leur insuccès, j'ai vu aussi des réussites heureuses et difficiles. Voici une petite scène médicale à laquelle j'ai assisté et qui a bien son prix. Ce n'est point une consultation. L'oganga, un bouleau de ma connaissance, était venu la veille. Il avait laissé son ordonnance si on la suivait. Le malade était un vieux chef nommé Kringer, qui paraissait atteint d'une affection du cœur. Un jour que je passais dans son village, je le trouvai en plein midi, assis au milieu de la rue et dans le plus complet état de nudité. Auprès de lui était un grand vase rempli d'eau chaude, dans laquelle baignait une foule de plantes diverses. Une sorte de goupille en trempait dans cette décoction. Tous les gens du village venaient de se ranger sur une seule ligne et psalmodiaient, je ne sais quel chant monotone. J'arrivai à point, le défilé allait commencer. Ce fut sa grande femme qui ouvrit la marche. Elle prit le goupillon humide, en aspergea par deux fois le malade en prononçant une formule contre le mauvais esprit, attendit que toute la bande l'eût répété, cracha à droite et à gauche du patient en exprimant le vœu qu'il chassât de la même façon le mauvais esprit dont il était possédé, et passa gravement l'instrument à son fils aîné qui la suivait. La même cérémonie recommença jusqu'à ce que tout le village eût défilé. Ce fut long. Le pauvre vieux malade frissonnait, et de temps en temps, d'une voix impérative, il activait la procession. Quand elle fut finie, il cracha deux fois à son tour, en marmottant quelques formules d'exorcisme, puis ses femmes le frottèrent longtemps avec les feuilles cuites. Quelle était cette préparation? Elle était très complexe, et si j'en reconnus quelques éléments pour les avoir vus dans mes excursions botaniques, la plupart m'échappèrent. Toujours est-il que je revis Kringer quelques semaines après. Je ne sais s'il avait réussi à cracher le mauvais esprit, mais il paraissait assez bien rétabli. Avait-il réellement eu une maladie du cœur? Je me permis alors d'en douter, et je regrettai la répugnance qui m'avait empêché de m'en assurer. C'était un beau succès, mais les féticheurs ne guérissent pas tous leurs malades. Quand l'un d'eux a rendu le dernier soupir, ces femmes prennent le deuil. Elles rasent leurs cheveux et laissent pour un mois ou deux tous leurs ornements. Elles se réunissent avec leurs amis dans la case mortuaire, où le défunt reste exposé pendant 3 jours, et reçoit la visite des gens du voisinage qui viennent lui reprocher son départ, son abandon de la vie et de sa famille. Comme il n'y a pas de bonne réunion sans quelques libations, l'eau-de-vie circule parmi les assistants. Les coups de fusil retentissent dehors. Un cercueil est fabriqué avec les coffres du défunt. On l'y dépose avec une partie des ustensiles de son ménage, sans oublier surtout son verre et sa pipe. Puis le 3e jour, on l'emporte dans un cimetière caché au milieu des bois, loin des regards de la foule et surtout des Européens. Un faible cortège composé de ses parents et de quelques esclaves l'accompagne à sa dernière demeure. Si le village est voisin de la mer, les habitants se rendent sur le rivage pendant l'inhumation. Un coup de fusil indique le moment précis où elle s'opère, et à ce signal, tout le monde se jette à l'eau, en ayant soin de se laisser tomber sur le dos comme le pauvre inhumé. Autrefois, on n'enterrait guère un personnage de quelque importance sans lui donner pour compagnon quelques-uns de ses esclaves. Cette coutume barbare a disparu depuis l'arrivée des Européens, mais malgré la surveillance des autorités françaises, peut-être existe-t-elle encore dans les villages éloignés. La cérémonie terminée, tout n'est pas fini. Le féticheur est là qui tient à son infaillibilité. Dès qu'il a vu son malade décliner, il s'est empressé d'annoncer qu'il était empoisonné ou ensorcelé. Maintenant, il lui faut le châtiment du coupable, et c'est lui qui se charge de le découvrir. La chose n'est pas difficile, car ses clients sont crédules et il est passé maître dans l'art de la tromperie. J'emprunte aux notes de M. le capitaine Vignon, qui a longtemps commandé le poste du Gabon et y a recueilli des renseignements intéressants, le récit de cette scène de grossière magie à laquelle aucun Européen n'a assisté. Auprès de nos comptoirs, si on croit encore aux malades qui meurent ensorcelés, du moins laisse-t-on les sorciers en repos. Le jour même de l'enterrement, dès que la nuit est venue, la population se réunit dans la maison mortuaire éclairée avec des torches. Le féticheur se place au milieu de l'assemblée. Un signal donné, tous les assistants se mettent à chanter au son du tam-tam. Seul le féticheur danse. Ces exercices durent jusque vers le milieu de la nuit. À ce moment, le féticheur ordonne d'éteindre les lumières et, dans l'obscurité, il invoque les esprits et les prie de lui révéler le coupable. Ces conjurations terminées, les lumières reparaissent. Les chants et les danses reprennent jusqu'au jour. Le féticheur tire alors de dessous son vêtement la fourrure d'un petit animal nommé Eninka, fait avec ses dépouilles le tour de l'assemblée et la laissant tomber aux pieds de la victime qu'il a choisie d'avance, il dit en nommant le malheureux à haute voix « Voilà l'empoisonneur !» Si c'est un esclave, et c'est habituellement sur cette classe que tombe le verdict fatal, il est immédiatement saisi et dirigé sur les habitations lointaines pour y subir la peine de son crime. Attaché à un arbre, il est tué à coups de couteau ou bien on le livre au boulot qui le brûle vivant. Si c'est un homme libre, l'accusation portée contre lui est insuffisante et il a une épreuve à subir. Cette épreuve est un véritable jugement de Dieu et de la plus dangereuse espèce. Le prétendu sorcier est contraint de boire un violent poison. S'il succombe, sa culpabilité est évidente. S'il survit, son innocence est proclamée. Ce poison est fourni par un arbuste nommé Ikaja au Gabon et Mbundu au Cap Lopez. Il semble appartenir à la famille qui produit la voie vomique et la fève de Saint-Ignace, dont la strychnine est le principe actif. Tel que je l'ai trouvé dans les forêts marécageuses du Gabon, c'est un arbuste de 2,50 m de hauteur, peu rameux, peu feuillu, et terminé par une longue racine pivotante que recouvre une écorce d'un rouge très vif. C'est cette écorce qui jouit des propriétés les plus actives. Étudiée par M. Martin, pharmacien de la marine, elle lui a présenté les réactions caractéristiques de la strychnine. Quand on veut en faire usage, on en râpe dans un vase à peu près le tiers d'un verre ordinaire. Puis on verse dessus environ 1 demi-litre d'eau qui prend rapidement la teinte de l'écorce. Quand cette coloration est complète, le poison est à point. M. Duchaillu est le seul voyageur qui ait assisté à l'administration du Mbundu dans des villages de l'intérieur. Dans un des cas dont il dit avoir été témoin, la mort se produisit au bout de 5 minutes. Le sang sortait par les yeux et par les oreilles du supplicié, détail qui semble assez extraordinaire pour ne pas dire plus. Une autre fois, il le vit prendre volontairement par un vieux féticheur nommé Olanga qui voulait accroître son crédit, car l'individu qui boit impunément ce poison acquiert infailliblement le don de divination. Je laisse ici la parole au voyageur. Le poison fut préparé non pas devant l'Anga, il n'avait pas le droit d'y assister, mais devant deux amis chargés par lui de veiller à ce que tout se passât dans les règles. Quand tout fut prêt, on l'appela. Il prit la tasse et la vida tout d'un trait. Au bout de 5 minutes, l'effet se produisait déjà. Olanga commença à chanceler, ses yeux s'injectèrent de sang et ses membres se contractèrent convulsivement. Il se manifesta en même temps un symptôme qui fit pressentir que le poison ne serait pas mortel. Ce symptôme est une abondante évacuation liquide, sans laquelle il n'y a rien de bon à augurer. Tous les mouvements de Olanga étaient ceux d'un homme ivre. Il tint les propos les plus désordonnés, si bien qu'on s'imagina que l'inspiration lui arrivait, puis il tomba dans un état d'ivresse complète. Ce vieux docteur pouvait, disait-on, avaler du poison à des doses considérables, sans en ressentir d'autre effet que cette pesante ivresse, privilège qu'il a mis naturellement en grande réputation. Cette description de M. du Chaillu, conforme au récit que font les indigènes quand ils consentent à parler de ce sujet, rappelle assez bien les effets principaux des préparations de strychnine. Mais il est clair que l'individu accusé de sorcellerie et voué d'avance à la mort boit une dose de poison plus forte que le féticheur, ou bien que celui-ci sait se prémunir contre ses effets par quelque contre-poison. On suppose que l'ingestion préalable d'une grande quantité d'huile de palme suffit pour neutraliser l'action de l'Ikaja. Ce moyen n'est probablement pas infaillible, car lorsqu'un Gabonais un peu riche est accusé de sorcellerie, il fait son possible pour se soustraire par des cadeaux à la terrible épreuve. Il ne faudrait pas croire que ces sortes d'empoisonnements juridiques, résultat atroce de la plus stupide superstition, fussent propres à cette région. À quelques degrés plus au nord, aux bouches du Niger, il existe aussi, et c'est la fève du calbar, l'un des plus dangereux poisons que l'on connaisse, qui accomplit l'œuvre de destruction. Ailleurs, quelque autre substance, et il est probable que cette funèbre coutume s'étend sur tout le continent africain, car en effet, en fait de superstition, tous les nègres se valent. Notre contact et surtout notre autorité dépouillent ceux qui sont auprès de nous de la cruauté de leurs mœurs. Mais il est douteux que le frottement de la civilisation les débarrasse de leur crédulité originelle. J'en excepte, bien entendu, ceux qu'une éducation complètement européenne a réellement transformés. Le nègre d'Afrique croit au sortilège. Transporté tout enfant dans nos colonies, élevé ou même né au milieu de nous, entouré de soins religieux, mais sans avoir été soustrait au contact des gens de sa race, il croit aux zombies. C'est le nom qu'aux Antilles on donne aux revenants, et il porte précieusement sur lui quelques fétiches préservateurs. Qu'un ministre de la religion le débarrasse de son talisman et lui donne en échange quelques pieux emblèmes, soyez persuadés que sa signification toute symbolique lui échappera. Et quand il s'apercevra que sa médaille ne le préserve pas des maux contre lesquels il avait rêvé l'immunité, sans récuser la bonne foi du ministre qui la lui a donnée, il retournera à son fétiche national, en faisant à part lui cette réflexion que celui du missionnaire, excellent pour les blancs, n'est pas fait pour le pauvre noir. Il ne s'en étonne pas d'ailleurs, car il est convaincu que notre Dieu, qui nous a donné tant de puissance et de richesse, ne peut pas être en même temps le Dieu du peuple noir. Il paraît croire, du reste, par réciprocité, que nous sommes pour ces dieux des êtres indifférents, et que la puissance de ces fétiches ne nous est pas transmissible. C'est même pour cela qu'ils nous les cèdent quelquefois sans trop de répugnance. J'ai un jour acheté, pour quelques feuilles de tabac, une de ces figurines baroques qu'on retrouve dans tous les villages, avec un morceau de verre enchâssé dans la poitrine et des plumes de touraco rayonnant en auréole autour de la tête. Le marché fut long et difficile à conclure, car cette grotesque divinité, emmanchée au bout d'un bâton, était un grand fétiche de guerre, dont de longs services avaient prouvé la valeur. Le guerrier qui la possédait la plantait en terre auprès de lui quand il avait sommeil et s'endormait exempt d'inquiétude. On comprend que l'heureux possesseur d'un pareil talisman devait hésiter à s'en défaire. Il me le céda pourtant, mais aucun prix, il ne l'eût vendu à un noir. Il voulait bien renoncer à une invulnérabilité dont je ne devais pas bénéficier, mais c'eût été faire un marché de dupes que de céder à qui que ce fût, peut-être à un futur ennemi, un si heureux privilège. Cette croyance à des dieux différents pour les deux races caresse d'ailleurs et console la vanité du noir. La supériorité de l'Européen dans le domaine des faits matériels est écrasante pour lui. Mais au-delà, il la récuse volontiers. Quand il le voit sourire au récit de quelques rêveries sorties de son imagination superstitieuse, il nous reproche doucement notre incrédulité et donne à entendre, non sans un certain orgueil, que le dieu des Blancs, si généreux envers eux, leur a pourtant caché plus d'un mystère, dont le noir a su pénétrer le secret. C'est la réponse qui fut faite à un de mes amis, M. Serval, dans une circonstance bizarre et qui mérite d'être racontée. Il commandait alors un petit aviso, le pionnier, dont l'équipage était composé en grande partie de noirs, non pas gabonais et fétichistes, mais sénégalais et mahométans, c'est-à-dire supérieurs en tout. Un jour, l'un de ses laptos, se baignant dans les roues du navire, eut les chairs de la cuisse enlevées par un requin et mourut quelques instants après. À peu de jours de là, nos laptos eurent le plaisir de harponner un de ces dangereux animaux, dans lequel ils reconnurent naturellement le meurtrier de leur camarade. Déjà ils le hissaient à bord et croyaient leur vengeance assurée, quand un des leurs, occupé jusque-là dans le faux pont, parut tout à coup au panneau en poussant une exclamation de surprise et de joie. Au même instant, le requin, par un vigoureux effort, réussit à se décrocher et retomba à la mer. Pour des gens exaspérés et qui croyaient si bien tenir leur ennemi, il y avait là quelque chose d'anormal. Le lapto survenu si mal à propos appartenait, pour son malheur, à je ne sais quelle tribu malfamée et fortement soupçonnée de sorcellerie. Son apparition subite, le cri qu'il avait jeté, furent des traits de lumière. Sa connivence avec le requin parut évidente, et les commentaires allant leur train, on reconnut bientôt que le monstre marin était son propre cousin incarné ainsi pour accomplir de compte à demi quelque terrible maléfice. Furieux contre ce camarade si mal apparenté, nos gens voulaient l'envoyer immédiatement à la mer rejoindre son cousin, et cela serait arrivé si le gourmet ne l'avait couvert de sa protection. Le gourmet est le chef que l'on donne à toute réunion de lapto, et que souvent elle s'est donné elle-même au moment d'embarquer. Choisi parmi les plus intelligents, son crédit est grand et son autorité respectée, mais en cette occasion sa voix fut méconnue. D'ailleurs, mal convaincu lui-même de l'innocence de l'accusé, il le protégeait mollement, et dans l'intérêt seul de la discipline. Il alla donc faire part au capitaine de l'émoi qui régnait à bord. Vainement, M. Serval, qui le savait homme de bon sens, essaya de lui prouver sa sottise. Il ne se laissa pas convaincre et coupa court à tout raisonnement par cet argument irréfutable. « Les Blancs savent bien des choses, beaucoup plus que les Noirs, mais il y en a qu'ils ignorent et que les Noirs connaissent parfaitement. » Il entendait par là les œuvres de sorcellerie. Que répondre à cela? Rien. M. Serval obtint du respect de ses hommes 3 ou 4 jours de tranquillité. Mais la position du pauvre sorcier n'était plus tenable, force fut de le débarquer. Voilà ce que sont les Noirs, je parle des meilleurs. Civilisez-les tant que vous voudrez, perfectionnez leurs bonnes qualités. Si vous ne les soustrayez pas à l'influence de leur race, tout ce que vous obtiendrez, je le crains, sera d'en faire ce que beaucoup d'entre eux sont déjà en sortant des mains de la nature, des hommes bons et doux, simple d'esprit, médiocre inventeur, mais doué d'une dose suffisante d'esprit d'imitation, susceptible de dévouement, courageux à leurs heures. Mais sous le noir épiderme vivra toujours le vieil homme, et ne vous étonnez pas s'il vous échappe un jour, sous l'empire de quelque terreur superstitieuse, pour devenir ce qu'au fond il n'aura jamais cessé d'être, crédule comme un enfant et cruel comme lui.